une zone à risque en cas d'éboulement. Là aussi, un bouchon de 3 km qui devrait s'allonger car l'intervention des secours et des panneurs devrait durer encore une heure. Ailleurs, on totalise une quarantaine de kilomètres de difficultés cumulées dans le sens des retours entre Albertville et Chambéry, puis entre Chambéry et Lyon. Et dans le sens des montées, un seul ralentissement à vous signaler, 9 km sur l'A43 entre Francin et Saint-Pierre-d'Albigny en direction de la Maurienne ou de la Tarentaise. Mais vous l'avez compris, vers la Tarentaise, ça va se gâter dans les minutes à venir. On vous a bien écouté. Au PC Osiris, Albertville, Nathalie Colle, France Bleu Pays de Savoie pour France Inter. Merci Nathalie. On va se quitter avec la météo, avec le temps. Ce n'est pas comme au cinéma, un long dimanche de fiançailles qui s'annonce. On pourrait même dire que c'est le grand froid. Je vous souhaite quand même un excellent après-midi. C'était le journal de Philippe Habitboul. Tout de suite, la météo. La météo avec Démépoul, réseau national de déménageurs pour les entreprises et les particuliers. Des chutes de neige se sont produites en matinée du Pas-de-Calais à la Normandie. Les nuages en question s'avancent vers le nord de la Bretagne, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, la Lorraine, quelques flocons ça et là. Côté Atlantique, le soleil au contraire gagne du terrain. Encore quelques pluies éparses tout de même sur le littoral d'Aquitaine. En Corse, ciel très chargé, des averses avec neige à 500 mètres dans l'après-midi. Du golfe du Lion aux Alpes, la Bourgogne et la partie centrale de la France, après-midi bien ensoleillé. Les températures en plaine vont à peu près partout, au moins temporairement passer au-dessus du zéro, jusqu'à 10 degrés vers la Méditerranée. Mais au cours de la nuit, le froid deviendra vif, gelé pratiquement généralisé. Pour demain, à nouveau davantage de neige, des chutes de neige assez abondantes sur le massif central, plus faibles sur les Pyrénées et dans les régions de l'Est, l'après-midi aussi en Rhône-Alpes, sous forme d'averses sur les coteaux de la Manche et à basse altitude en Corse, quelques flocons l'après-midi dans les plaines du sud-ouest. Amélioration en cours de journée du Val-de-Loire au bassin parisien, le pourtour du golfe du Lion conservera un temps ensoleillé avec Mistral de 70 km à l'heure. Merci Jacques Kessler. Vous écoutez France Inter, il est 13h22. Nous retrouvons Rendez-vous avec X, Patrick Pénou. Selon la tradition, il s'agit d'un monstrueux crocodile qui, naviguant vers le sud, émergea peu à peu des eaux et se transforma en île. Les anciens expliquent ainsi la création de Timor, une des petites îles de la Sonde, située à quelques 500 km au nord de l'Australie. Un pays accidenté tout en longueur, à peu près grand comme la Belgique, mais divisé en deux. À l'ouest, le Timor indonésien. À l'est, le Timor oriental, indépendant depuis 2002, mais qui a été longtemps une colonie portugaise avant d'être envahi, puis purement et simplement annexé par l'Indonésie pendant presque un quart de siècle. Et c'est justement de cette annexion dont Monsieur X veut parler aujourd'hui. Une période terrible pour ce petit pays de 800 000 habitants, car on estime généralement que 200 000 Timorais ont payé de leur vie cette colonisation indonésienne. Un quart de la population donc. Et certains ont pu parler, sans exagérer, de génocide. Pourquoi un tel massacre? Pourquoi cette horreur a si longtemps été ignorée par l'opinion mondiale? Une guerre oubliée menée au nom de quels intérêts? Et autant le dire tout de suite, au Timor oriental, comme dans beaucoup d'autres pays victimes de la violence, il flotte sur cette tragédie une forte odeur de pétrole. Thank you. France Inter, rendez-vous avec X. L'opération répondait au nom de code Commodo. Et jamais, sans doute, une appellation n'avait été autant justifiée. Hey, Commodo, c'est une île, hein? Oui, une petite île indonésienne où l'on trouve une variété de varans géants et féroces, les dragons de Commodo. Il est donc très clair que l'opération Commodo visait, tout simplement, à avaler tout cru le Timor oriental. Et plus de 200 000 Timorais l'ont payé de leur vie. Les dragons. Un petit retour en arrière, peut-être, sur l'histoire de Timor? Volontiers. L'île était depuis les débuts de la colonisation partagée entre Néerlandais et Portugais. Lorsque les Indes orientales, c'est-à-dire l'Indonésie, ont accédé à l'indépendance, le Timor de l'Ouest a donc rejoint presque naturellement le nouvel État. Oui, mais le Timor oriental est demeuré une colonie portugaise. En effet. Oui. Et cela jusqu'à la révolution des œillets qui a précipité le déclin de l'empire colonial portugais. Auparavant, il faut vous faire savoir que les Estes timorais avaient déjà payé un lourd tribut à l'histoire. Il y avait d'abord eu, au début du XXe siècle, des révoltes indigènes contre le colonisateur. Des révoltes matées dans le sang. Naturellement. Puis, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'île avait été le théâtre de violents combats entre les alliés, essentiellement des Australiens et les Japonais. D'où de nouveaux massacres? Oui, oui, les Japonais qui ont fini par chasser les alliés, ont rudement châtié les timorais coupables d'avoir eu partie liée avec leurs adversaires. Des dizaines de milliers d'entre eux ont alors été tués. Ensuite, après la capitulation japonaise et le retour du colonisateur portugais, il y a une relative période de paix. Mais le mouvement général de libération des peuples colonisés ne pouvait pas ignorer le Timor oriental. Et alors qu'à Lisbonne, les capitaines débarquent, le gouvernement Gaetano, on voit surgir plusieurs partis timorais. Mais des partis indépendantistes. Tous ne le sont pas, non. L'un d'entre eux, mené par des modérés, revendique seulement l'autonomie. Donc sans rompre avec la métropole. Oui, par contre, un autre parti, plus radical et orienté à gauche, demande effectivement l'indépendance. Mais il y a un troisième mouvement qui prône le rattachement à l'Indonésie. Et il est sans doute manipulé par les services secrets de ce dernier pays. Oui, qui rêve d'une annexion. Évidemment. Est-ce que une annexion se justifierait d'un point de vue historique? Non. Non, non. Le Timor n'a jamais fait partie de l'ensemble indonésien. Il faut dire que les guerriers timorais avaient une solide réputation de coupeurs de tête et qu'il n'était pas recommandé d'aborder leur île. Enfin, je continue. Attends, quelle est l'attitude des nouveaux dirigeants portugais après la révolution? Ouais, ils sont généralement disposés à accorder rapidement l'indépendance à leur colonie. Ouais, ouais. Mais le Portugal, en 1974, traverse une période d'instabilité et les capitaines ont d'autres chats à fouetter. Par conséquent, la question du petit Timor oriental passe à l'arrière-plan. Toutefois, il en faudra bien se décider un jour. Et deux solutions sont envisagées. C'est-à-dire l'indépendance pure et simple, ou alors l'intégration à l'Indonésie. Il y a donc des bases chez les Portugais eux-mêmes. Et des contacts secrets avec les Indonésiens. Mais finalement, ce sont les partisans de l'indépendance qui l'emportent. Mais ils ne se donnent pas les moyens de conduire paisiblement l'émancipation du Timor oriental. Alors même que l'Indonésie ne dissimule pas ses ambitions et que son armée se fait menaçante. Les Portugais, au contraire, rapatrient la plus grande partie de leurs troupes. Et comme s'ils voulaient, au fond, laisser le champ libre aux Indonésiens. Écoutez, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, ça y ressemble. Cependant, il peut s'agir d'un simple désintérêt pour ce confetti d'empire situé au bout du monde. Et les Indonésiens, alors? Ils ont déjà décidé de lancer l'opération Komodo. Ce sont surtout les généraux qui poussent à la roue. Mais pourquoi, alors, précisément? Parce que les militaires sont presque naturellement expansionnistes. Mais aussi parce qu'une opération armée justifierait leur existence. Ah oui, vous exagérez un... Pas du tout, non. Le généraux indonésien estime être les garants de l'unité de cet ensemble disparate et qui est déjà parcouru par de nombreuses contestations autonomistes. En outre, depuis le putsch qui a amené Suharto au pouvoir... Il y a massacre de centaines de milliers de communistes. Exactement, oui. Donc les généraux sont tout puissants. Ils peuvent agir à leur guise, alors. C'est ça? Mais comment commence cette opération Komodo, là? D'abord par des actions de propagande. La radio de Timor-Ouest menace de représailles tous les Est-Timorais qui refuseraient l'option indonésienne. Cette même radio affirme aussi que les indépendantistes reçoivent le soutien de conseillers militaires soviétiques et chinois. Oui, le danger communiste. Bien sûr, et il s'agit clairement de diviser l'opinion est-timoraise en faisant peur en particulier aux plus aisés. Et les Indonésiens réussiront en partie, puisqu'une brève mais sanglante guerre civile opposera les modérés et les radicaux regroupés au sein d'un front dont l'acronyme est FRETILIN. Un front pour l'indépendance. Dans le même temps, l'armée, toujours, dans l'intention de diviser les Timorais, recrute de gré ou de force des habitants affamés qu'ils enrôlent dans des commandos destinés à agir au Timor oriental. Et justement, alors, que se passe-t-il au Timor oriental? Et d'abord, cette guerre civile, là, comment se termine-t-elle? Le FRETILIN, qui dispose d'un bras armé et qui est largement soutenu par la population, l'emporte sur les modérés. Mais là encore, la propagande joue son rôle. Le bilan des morts est largement exagéré par l'Indonésie. Et ces informations sont relayées par la presse occidentale. On prétend par exemple que la capitale, Dili, est en ruine. Ouais, un chaos qui fournirait le prétexte d'une intervention indonésienne. Sous couvert d'une opération humanitaire, ouais, oui. Ouais. Mais les Portugais, qui pourtant ne sont pas intervenus pendant cette courte guerre civile, s'y opposent fermement. Après tout, ils sont encore chez eux. Exactement. Ouais. Et ils en appellent à l'ONU, tant qu'il paraît évident que tôt ou tard, les Indonésiens interviendront au Timor oriental malgré leur dénégation officielle. Réaction de l'ONU, alors? Les protestations portugaises restent lettre morte, en particulier à cause des États-Unis. Il y a longtemps que vous n'aviez pas accusé les Américains. Je vous en prie, si je parle si souvent des États-Unis, ce n'est pas par anti-américanisme primaire, mais parce que malheureusement, il me faut constater que les gouvernements états-uniens sont intervenus dans les affaires du monde bien au-delà de leur zone traditionnelle d'influence. Oui, mais attendez, essentiellement à cause de la guerre froide. C'est vrai. Les Soviétiques et Chinois n'ont pas agi autrement, mais... Pardonnez-moi cette parenthèse. Ouais. Nous allons peut-être revenir sur l'implication américaine dans cette affaire du Timor oriental. Les Américains, qui ne seront d'ailleurs pas les seuls, mais n'allons pas trop vite. Dès l'automne 1975, il apparaît que le FRETILIN contrôle la quasi-totalité du Timor oriental. Toutefois, on note des incursions de plus en plus nombreuses des Indonésiens ou de ces commandos qu'ils ont formés. Des attaques qui préludent à une offensive en règle? Certainement. Et les dirigeants du FRETILIN en sont si convaincus que fin novembre, ils font appel eux aussi à l'ONU en demandant l'envoi d'une force d'interposition. Mais les événements vont se précipiter. Un petit retour en arrière, toutefois sur une affaire très significative. En octobre, au cours de l'une de ces offensives éclairs de l'armée indonésienne sur la frontière du Timor oriental, 5 journalistes de télévision australiens sont assassinés. Une affaire très grave, vous en conviendrez. Oui, attendez, assassinés par qui là? Par les Indonésiens. Et pourtant, personne ne bouge. Aucune enquête sérieuse n'est réclamée, par exemple, par les Australiens. Ce qui aurait été logique, pourtant. Exactement. C'est leur sujet. Oui, la vérité, c'est que les autorités australiennes, qui savaient qu'une attaque indonésienne était imminente, ont omis de prévenir leurs journalistes. Pour quelle raison là? Pour en préserver le secret. Et notez-le bien, il faudra attendre 1996 pour qu'une commission d'enquête conclue que les 5 journalistes ont été pris dans un feu croisé. En tout cas, cette tragédie nous donne... une des clés de l'affaire. Quoi? La connivence, sinon la collusion entre l'Indonésie et l'Australie. Mais pourquoi? Parce qu'il y a d'énormes intérêts en jeu, des intérêts qui sentent fortement le pétrole. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une des questions importantes posées par le récit de Monsieur X est celui du désengagement portugais à l'heure où les Indonésiens se faisaient de plus en plus pressants. Voici comment Gabriel Defer, auteur de Timor Est, le génocide oublié, la commente. Dès la fin de l'année 1974, une partie des fonctionnaires de l'éducation nationale avait été rappelée au Portugal, bientôt suivie par la presque totalité du contingent militaire métropolitain. De même, si au début de l'année 1975, 1000 soldats étaient encore en garnison à Timor, il n'était plus que 200 à la mi-avril, seulement renforcés par une unité de 40 commandos, membres des troupes d'élite portugaises. Bien que cette dernière, débarquée à Dili le 9 avril, ait eu pour mission officielle d'assurer le maintien de l'ordre, elle devait en réalité assurer le repli imminent des derniers ressortissants portugais. Il était clair que l'administration portugaise ne comptait pas assumer jusqu'au bout le processus de décolonisation. Aussi, dès le coup d'État fomenté par les modérés, l'UDT, le gouverneur portugais s'est empressé à déclarer la situation militairement incontrôlable en attendant de pouvoir quitter définitivement l'île. Et là, je cite à nouveau Defer. Tous les témoins présents, quelle qu'ait été leur conception politique ou leur nationalité, s'accordent à penser que le gouverneur pouvait aisément empêcher le coup d'État de l'UDT. Les quelques dizaines de militants armés de fusils dérobés au commissariat n'auraient certainement pas résisté à un groupe de 40 commandos bien équipés et entraînés, sans même parler de la possibilité d'intervention des régiments timorais restés tout à fait loyaux mais consignés dans leurs casernes pendant toute la durée des événements. Une simple décision politique aurait très vraisemblablement suffi à tout désamorcer. Le fait que cette décision n'ait pas été prise est plus que toute autre chose révélateur de la volonté de désengagement du gouvernement portugais. La situation était encore contrôlable, mais Lisbonne ne cherchait manifestement plus à la contrôler. Si vous le voulez bien, on reparlera de cette question du pétrole. En attendant, voyons la suite des événements. Fin novembre, alors que les indépendantistes timorais demandent en vain l'envoi d'une force d'interposition onusienne, l'armée indonésienne commence à bombarder une ville qui se trouve sur la route de Dili, la capitale. Ouais, toujours le plan Komodo, hein. Aussi dans l'urgence, le Frétiline proclame fin novembre l'indépendance et la création de la République démocratique du Timor oriental. C'est, au fond, c'est une sorte d'appel à la communauté internationale. Hein. Bah, bien entendu. Ouais. Mais personne ne l'entend, à part quelques mouvements qui luttent eux aussi pour la libération de leur pays. Et l'indépendance du Timor oriental ne va durer que quelques jours. Ici, il faut quand même souligner une visite très étrange. Racontez-la. Le 6 décembre, arrivant de Chine, le président américain Gerald Ford, accompagné de son secrétaire d'État Henry Kissinger, se pose à Jakarta. Ils viennent rencontrer Suharto. Le président indonésien. Hein. Est-ce que à ce moment-là, les deux Américains savent que l'Indonésie va bientôt passer à l'action au Timor oriental? Bien évidemment. L'Indonésie est alors l'un des meilleurs alliés des États-Unis dans la région. Un allié précieux parce que c'est un géant anticommuniste. Mais si Ford et Kissinger sont au courant, est-ce qu'ils approuvent? Bah forcément. Ils sont très sensibles aux arguments de Suharto qui prétend que ce nouvel État indépendant ne peut qu'accroître l'instabilité dans la région. N'oublions pas que les États-Unis viennent tout juste de se voir chasser du Vietnam. Et lorsque l'Indonésien prédit que le Timor oriental risque de devenir un nouveau Cuba, Ford et Kissinger sont particulièrement attentifs. Ouais. En outre, Suharto parle de la souffrance des réfugiés qui ont quitté le pays à la suite de la guerre civile. La petite guerre civile. Et par conséquent, il faut intervenir. D'ailleurs, dit encore Suharto, il est certain que les Timorais accueilleront favorablement les troupes indonésiennes. Et ses généraux estiment que 3 petites semaines suffiront à se rendre maître du pays. Réaction des deux Américains, hein? Ils sont déjà favorables à l'annexion du Timor oriental par l'Indonésie. Alors, si on leur dit que les opérations militaires seront brèves, ils sont encore plus enclins à approuver. Plus une guerre est courte et moins elle fait l'objet d'une médiatisation. Ah oui. Il soulève toutefois 2 réserves. L'utilisation d'armes américaines dont sont dotés les Indonésiens pourrait choquer l'opinion internationale. Ah oui, alors, ça c'est une raison supplémentaire pour faire vite. Et d'autant que selon le droit américain, l'Indonésie ne pouvait se servir de ses armes que pour se défendre. Et ce qui n'était pas le cas au Timor oriental. C'est une invasion. Là. Et la deuxième réserve là? L'armée doit attendre que l'avion présidentiel américain ait quitté l'espace aérien indonésien avant d'envahir le Timor oriental. Mais c'est une pure hypocrisie, parce que la presse ne pourra pas manquer de faire un rapport entre la visite des deux Américains et l'intervention indonésienne. C'est entendu. Et dès leur atterrissage à Washington, alors que l'armée de Jakarta est déjà passée à l'action, ils sont interrogés par les journalistes. Mais ils éludent. Seul Kissinger donnera la position de son pays en affirmant dans un journal que les États-Unis ne reconnaîtraient pas la République du Timor oriental et qu'il comprenait la position indonésienne. Ça, au moins, c'est clair. Mais Kissinger ne fera pas toujours preuve de cette même franchise. Et plus tard, il se refusera à admettre que Ford et lui avaient donné une sorte de feu vert à Suharto. Étant donné la suite des événements, c'est pas très étonnant, ça. Hein. Alors la suite, justement. Mm-hmm. L'opération Komodo, dont c'est la phase finale, commence en pleine nuit, alors que Ford et Kissinger sont encore en l'air. Jamais l'armée indonésienne n'a mené une action d'une telle ampleur. Des navires de guerre et une trentaine d'avions, bombardiers et transports de troupes sont mobilisés. Et bientôt, tandis que la capitale est bombardée, 10 000 soldats et des commandos sont à pied d'œuvre au Timor oriental. Les massacres commencent aussitôt. Les soldats tirent sur tout ce qui bouge. Dans ces premiers mois de l'invasion, on comptera 100 000 morts. Il y a donc une résistance, puisque vous parlez de plusieurs mois, alors que les militaires indonésiens pensaient en finir en 3 semaines. Hein. La résistance est en effet très forte. Les indépendantistes du Fretilin disposent alors de 30 000 hommes en armes. Ouais. Bon, en fait, ils sont quand même moins bien équipés que les Indonésiens. Certes, mais ils sont chez eux et connaissent parfaitement ce pays montagneux qui permet de mener une redoutable guérilla contre l'envahisseur. Et à l'étranger, comment réagit-on? C'est évidemment le Portugal qui proteste en premier. Oui, parce que selon le droit international, le Timor oriental est encore un territoire portugais. Exactement. Mmh. Et Lisbonne ne tarde pas à rompre ses relations avec Jakarta et demande une réunion de toute urgence du Conseil de sécurité. Mmh. Oui, mais qu'attendent de l'ONU qui n'a pas répondu aux demandes des indépendantistes? Vous avez raison. Dans cette affaire, l'organisation internationale se montrera bien timorée et ne réagira que bien tardivement. Elle est alors dirigée par Kurt Waldheim. Ah oui, un diplomate autrichien dont le rôle pendant la Seconde Guerre mondiale a été vivement contesté. Hein. Oui. Waldheim ne fera aucun effort pour venir en aide aux Timorais. Quant au Conseil de sécurité, il ne condamne pas l'invasion indonésienne et sur la suggestion des États-Unis et de l'ensemble des pays occidentaux, il se contente de déplorer. Déplorer, c'est le minimum du minimum, ça. Effectivement, oui. Et malgré une deuxième résolution du Conseil de sécurité qui reconnaîtra le droit inaliénable du peuple est-timorais à l'autodétermination, l'ONU ne bougera pas. Pire, l'Indonésie obtiendra même que la question timoraise ne figure plus sur l'agenda de l'organisation. Pourquoi cette passivité? Ou cette connivence? Parce que la plupart des pays occidentaux, même les Scandinaves, pourtant si chatouilleux, dès qu'il s'agit des droits de l'homme, font d'excellentes affaires avec l'Indonésie. À commencer par les ventes d'armes. Les Hollandais livrent des transports de troupes. Les Australiens des avions. Les Français des hélicoptères. Et les Allemands et Espagnols ne sont pas en reste. Et pourtant, toutes ces armes permettent à Jakarta de continuer la guerre. Et de se livrer à un véritable génocide. Les villages est-timorais sont systématiquement détruits. Les champs sont brûlés en napalm et les habitants, quand ils ne sont pas tués, sont regroupés de force dans des camps de détention, pour ne pas dire de concentration. En même temps, Jakarta annexe officiellement le Timor oriental qui devient la 27e province indonésienne. Ça m'appelle le Koweït, ça. Et sur le plan militaire? Malgré un renforcement considérable de ses effectifs, l'armée indonésienne peine toujours à contrôler le pays. La résistance continue dans la montagne où sont réfugiés les habitants qui ne sont pas encore détenus. Et à la fin de 1978, plus de la moitié des Timorais vivent alors dans des camps de détention. Ajoutez les famines qui ravagent régulièrement le pays et vous avez un tableau exact de la situation. Et personne n'en parle. C'est la vérité. Les Indonésiens agissent en toute impunité. Même les Portugais ont fini par se lasser et Jakarta en profite pour lancer son programme de transmigration. Transmigration, ça veut dire quoi ça? Des populations des îles très peuplées comme Java et Bali sont installées au Timor oriental. C'est une sorte de colonisation, hein, oui, c'est ça? Qui vise à diluer la population autochtone toujours rebelle à l'annexion. Mais ça ne suffit pas à venir à bout de la résistance. Et plus de 10 ans après cette invasion, un général indonésien est contraint d'avouer qu'il faudra encore de longues années pour en finir avec la guérilla. Toutefois, au début des années 90, l'opinion internationale va enfin commencer à s'émouvoir et à prendre conscience de ce génocide oublié. Pourquoi là? À cause d'un massacre, comme il s'en est déjà produit des dizaines, mais cette fois-ci, une caméra a filmé la scène. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La résistance est-timoraise est incarnée par un homme, Xanana Gusmão, qui est aujourd'hui le président du Timor oriental indépendant. L'ouvrage « Les mondes rebelles » paru chez Michelon offre les éléments biographiques suivants. José Alexandre Gusmão, alias Ke Rala Xanana, naît en 1946 à Manatuto. Fils d'un instituteur pauvre, il est, malgré son niveau d'éducation, relativement extérieur à l'élite timoraise aisée. Il enchaîne ainsi les petits boulots, manœuvres sur le port de Dili, pêcheur, fonctionnaire de second rang. Puis, il fréquente dès 1971 les pionniers du mouvement national. Peu intéressé par les débats idéologiques, il reste un participant occasionnel. Après avoir songé à émigrer vers l'Australie, il s'engage en mai 1975 aux côtés du Frétiline, dont il anime la section d'information. Il prend le maquis en décembre 1975 et dirige un groupe de combattants dans la région de la Ponta l'Est, la pointe est du pays. Il survit aux offensives successives lancées par l'ABRI, l'armée indonésienne, en 75-79, et du fait de l'hécatombe de cadres frappant alors le mouvement, accède en quelque sorte, par défaut, à la direction du front en 1979. Il négocie en 1983 un cessez-le-feu, mais la reprise rapide des hostilités par l'ABRI réduit cet espoir à néant. Son action se concentre alors sur une vaste entreprise de rassemblement. Il restructure en 87-88 le mouvement de résistance, construit une armée non partisane et quitte formellement le Frétiline. Leader du Conseil national de la résistance, il est reconnu comme le fédérateur de toutes les sensibilités du mouvement national. Mais, nous allons le voir dans la suite du récit de Monsieur X, il est arrêté en 1992. Alors, des précisions là, sur cet événement qui va enfin alerter l'opinion internationale. En novembre 1991, des manifestants favorables à l'indépendance se réunissent pacifiquement à Dili, à l'occasion de l'enterrement d'un jeune indépendantiste abattu par l'armée indonésienne. Mais cette même armée réagit avec sa brutalité coutumière et tire dans la foule. Les organisations des droits de l'homme recenseront plus de 250 morts, autant de disparus et des centaines de blessés. Mais, avez-vous dit, une caméra filmait la scène? Clandestinement, oui. Et le journaliste qui a réalisé cette terrible séquence réussit à transmettre son film aux grandes télévisions occidentales. C'est un véritable choc. Aussitôt, les pays qui soutiennent financièrement l'Indonésie suspendent leur aide. Et les États-Unis sont contraints de geler leur assistance militaire. Mais ça va plus loin. L'opinion internationale se rend compte, enfin, que les autorités indonésiennes mentent lorsqu'elles prétendent qu'il n'existe qu'une poignée de guérilleros au Timor oriental. Et puis, il y a la brutalité de l'armée indonésienne. Bien sûr. Donc, quelque chose a enfin bougé, et ça n'ira qu'en s'amplifiant. Ça encourage les indépendantistes. Naturellement. Et même l'arrestation de leur principal leader, Xanana Gusma, ne parvient pas à étouffer le mouvement, bien au contraire. La guérilla continue. La guérilla et la contestation. Et il faut ici souligner l'action de l'Église catholique qui va jouer un rôle fondamental. Un rôle qui va être reconnu de façon spectaculaire en 1996. Le prix Nobel de la paix est attribué à deux personnalités est-timoraises importantes. José Ramos Horta, d'abord, un indépendantiste de la première heure, exilé en Australie et qui est devenu l'ambassadeur itinérant de son pays opprimé. Et la deuxième personnalité à être honorée n'est autre que l'évêque de Dili, Monseigneur Bello. Je me souviens, en effet, et cette double récompense fait avancer la cause des indépendantistes. Incontestablement. Il paraît maintenant difficile d'ignorer ce qui se passe réellement au Timor oriental. Événement tout aussi spectaculaire, en 1997, je crois, le président Mandela, prix Nobel de la paix, lui aussi, vient visiter Gusmão dans sa cellule. Gusmão, qui a été condamné à 20 ans de réclusion. Ouais. Et pour Mandela, ça c'est un geste symbolique. Oui, et l'année suivante, vous n'ignorez pas, c'est la chute de Suharto. Un espoir pour le Timor oriental? Oh, certainement, car on peut envisager que le nouveau pouvoir prendra ses distances avec l'armée. L'armée indonésienne qui fait l'appui et le beau temps au Timor oriental et dont les chefs s'enrichissent de façon éhontée en pillant le pays. Effectivement, devant les manifestations qui se multiplient, des manifestations pour la tenue d'un référendum d'autodétermination, le nouveau président fait un geste. Il promet l'autonomie à condition que la communauté internationale reconnaisse le Timor oriental comme faisant intégralement partie de l'Indonésie. Oh, ça c'est du chantage, hein? Ça y ressemble. Toutefois, comme la tension monte, Jakarta doit faire un nouveau geste et annonce un retrait partiel de ses troupes. Un retrait réel ? Non, un retrait pour les caméras. En réalité, les Indonésiens n'ont pas du tout l'intention d'abandonner la partie. La meilleure preuve, c'est que dans le même temps où ils opèrent ce simulacre de retrait, l'armée recrute et équipe des milices. Ces milices qui, formées, souvent d'éléments venant du Timor occidental, vont semer la terreur et s'attaquer aux indépendantistes. Ouais. Alors, quoi jouent les Indonésiens, là ? Ah ben, ils cherchent à gagner du temps, car la pression diplomatique se fait de plus en plus forte. Le secrétaire général de l'ONU s'engage personnellement et obtient même une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères du Portugal et de l'Indonésie. Rencontre au cours de laquelle les deux parties s'accordent sur plusieurs points. Un statut de large autonomie pour le Timor oriental et la fin progressive de l'occupation militaire et la libération des prisonniers politiques. Ouais, ça, c'est une première avancée, quand même. Mais encore timide, en tout cas. Dès le début de l'année suivante, Guzman bénéficie d'un régime de semi-liberté. Cependant, cette mesure d'apaisement est un faux-semblant, car le gouvernement indonésien continue à armer ses milices anti-indépendantistes et anti-chrétiens, qui sont maintenant grosses de plusieurs milliers d'hommes et commettent d'innombrables exactions sous les yeux d'une police et d'une armée qui laissent faire. Ouais, c'est la politique du double langage. Oui, car sous la pression des généraux, Jakarta veut en lâcher le moins possible, même si au cours d'une nouvelle réunion avec les Portugais, les Indonésiens acceptent le principe d'une consultation des Est-Timorais sur la question de l'indépendance. Ouais. Ce référendum va avoir lieu. Hein. Mais pas comme les indépendantistes l'espéraient. En fait, on leur demande de se prononcer pour ou contre l'autonomie. Et c'est seulement en cas de rejet que l'indépendance leur est promise. L'autonomie, ça veut dire le maintien du Timor oriental au sein de l'Indonésie. Bien sûr. Et c'est cette proposition que les électeurs refusent massivement. Ils se prononcent donc à contrario pour l'indépendance. Oui. Et ce vote incontestable déchaîne la fureur de l'armée indonésienne qui lance ses milices contre la population. Plus de 10 000 Timorais sont tués, tandis que les maisons sont systématiquement détruites et que des dizaines de milliers d'habitants sont déportés à l'ouest vers le Timor indonésien. C'est la politique de la terre brûlée. En effet, oui, avant de partir, car l'armée indonésienne sait maintenant qu'elle sera obligée d'abandonner le Timor oriental. Les militaires entendent ne laisser que des ruines. Et ça provoque, alors je me souviens encore, un sursaut de la communauté internationale. Parce qu'il est difficile d'intervenir dans l'ex-Yougoslavie ou au Kosovo pour empêcher un nettoyage ethnique et laisser se perpétrer un nouveau génocide au Timor oriental. Alors en plus, des sanctions économiques qui frappent l'Indonésie, le Conseil de sécurité décide l'envoi d'une force internationale sous commandement australien. C'est la fin des violences. Progressivement, oui. Et sous l'égide du représentant spécial de l'ONU, Sergio Vieira de Mello, un protectorat est établi. Protectorat qui va permettre l'accession à l'indépendance et la mise en place d'un État dans ce pays dévasté, l'un des plus pauvres au monde. En 2002, le héros du combat contre l'Indonésie, Guzman, est élu triomphalement à la présidence de la République et le prix Nobel de la paix, José Ramos Horta, devient son ministre des Affaires étrangères. Alors, venons-en enfin à ce que vous laissiez entendre, le rôle des intérêts pétroliers dans cette tragédie. Volontiers. C'est dans les années 50 que des géologues français émettent l'hypothèse que la zone côtière du Timor pourrait être riche en pétrole. Une hypothèse confirmée par les premières recherches effectuées par une compagnie australienne. Et au début 70, nouvelle étape, des forages démontrent qu'une exploitation offshore menée plus au large risque d'être très prometteuse. Pour les experts, il s'agirait même d'un gisement figurant parmi les 25 plus riches du monde. Ah oui, et ça attire forcément des convoitises. Surtout chez les Australiens, qui voient la possibilité de tripler leurs réserves et d'atteindre à terme une autosuffisance énergétique. Avant même les événements tragiques dont nous venons de parler, Canberra ouvre des négociations avec Lisbonne et propose le partage de cette mer si prometteuse. Mais les Portugais ne veulent pas partager le gâteau et refusent, car l'accord proposé par les Australiens donne à ces derniers la part du lion. Ouais. Toutefois, la situation change avec la révolution des œillets et la volonté des capitaines de décoloniser. Évidemment. Il apparaît très vite aux Australiens qu'il sera beaucoup plus facile de négocier un accord avec les Indonésiens qu'avec les Portugais, ou pire, avec un Timor oriental indépendant. Ouais. Et Canberra encourage donc Jakarta à conquérir le Timor oriental, c'est ce que vous voulez dire ? Exactement. Et notez-le bien, l'Australie sera l'un des rares pays à reconnaître l'annexion du Timor oriental par l'Indonésie, sous le prétexte fallacieux qu'un Timor indépendant ne serait pas viable et serait même un état dangereux pour la région, en raison de l'influence communiste qui y prévaut. Il y a donc eu un accord avant même l'invasion. Ça, c'est certain. Un accord exploitation pétrolière contre reconnaissance de l'annexion du Timor oriental. Les Australiens ont donc une lourde part de responsabilité dans la tragédie du Timor oriental. Une tragédie qui, rappelons-le une dernière fois, a coûté la mort de plus de 200 000 personnes. Le paradoxe étant quand même que ce soit à l'Australie que l'ONU a confié la tâche de rétablir l'ordre au Timor oriental et d'y faire cesser les violences. Les autorités de Canberra n'ignoraient rien des massacres commis au Timor oriental par l'armée indonésienne. C'est ce que révèle en 1998 un journal australien, le Sydney Morning Herald. Ce quotidien accuse même le gouvernement d'avoir minoré les chiffres du massacre de Dili en 1991. Voici comment Le Monde rend compte de cet article. L'Australie se contente des chiffres les plus faibles et accorde peu de crédit au reportage mettant en cause l'armée indonésienne. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Gareth Evans, conteste même en juin 1994 la crédibilité d'un documentaire intitulé « Mort d'une nation » diffusé peu de temps auparavant en Angleterre. Ce documentaire, réalisé par le journaliste John Pilger, fait état d'un second massacre et affirme aussi que Gareth Evans a couvert l'Indonésie pour faciliter l'exploitation pétrolière australienne aux abords de Timor. En effet, selon des documents confidentiels obtenus par le Sydney Morning Herald, l'ambassadeur australien a été informé quelques jours après le bain de sang que le bilan de l'intervention sanglante de l'armée indonésienne était bien supérieur au bilan officiel. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la question pétrolière ? L'Australie, après avoir longtemps traîné les pieds, a fini par négocier avec les nouvelles autorités indépendantes du Timor oriental et, sous les pressions internationales, elle a accepté de rétrocéder au nouvel État 90% des royalties sur un gisement. Mais elle refuse de retracer les frontières maritimes et continue à exploiter d'autres fructueux gisements offshore sans rien reverser au Timor oriental. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements bibliographiques et discographiques. Et je vous rappelle aussi que des CD coédités par Radio France sont en vente dans le commerce. Merci Patrick Pénaud, à samedi prochain. Non mais t'as vu l'heure, hein? Non, la pause c'est 10 minutes, pas un quart d'heure. Oui patron, mais c'est parce que j'ai été chercher le jackpot du Keno, 250 000 euros en plus du jackpot. Bon ben allez, on n'est pas à 5 minutes. Hein. Keno, 250 000 euros en plus du jackpot, ça aide. Et c'est jusqu'au 6 mars. Keno est un jeu de la Française des Jeux. Denis Chessou dans un instant pour CO2, mon amour. Vous écoutez France Inter, il va être 14h. Les informations vous sont présentées par Michel Khalifa. Le Hezbollah est-il impliqué dans l'attentat qui a fait 4 morts hier soir à Tel Aviv? C'est ce que semble penser l'autorité palestinienne qui impute cette attaque à une tierce personne. De leur côté, les autorités israéliennes évoquent explicitement une possible participation du groupe chiite libanais. Une hypothèse rejetée par le Hezbollah qui affirme qu'il n'a rien à voir avec cet attentat. Cet après-midi, l'état-major israélien doit se réunir pour décider d'une riposte. Les autorités de l'état hébreu indiquent qu'il n'y aura pas d'offensive d'envergure dans les territoires palestiniens. En Irak, 8 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques aujourd'hui. Parmi elles figure un GI, c'est la 4e victime dans les rangs américains depuis 24 heures. Ce matin, on a appris la mort d'une journaliste irakienne. Elle avait été enlevée il y a 6 jours à Mossoul, la grande ville du Nord. Cette femme était présentatrice pour une télévision locale. Depuis le début de son pontificat, Jean-Paul II avait toujours donné sa bénédiction aux fidèles réunis place Saint-Pierre pour l'Angélus. Demain, le pape ne pourra pas s'exprimer.